بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد ف comme d'habitude on va faire une brève révision des cours qui sont passés inshallah j'espère juste que certains n'arrivent pas en retard pour éviter la révision تفضل comme on n'avait pas révisé la semaine dernière on va réviser les deux cours passés, Inch'Allah, rapidement. On a expliqué dans plusieurs cours précédents qu'est-ce que At-Tawhid. Avant cela, le premier fondement, des six fondements qu'a évoqué Cheikhoul Islam, Rahmahullah, quel est-il ? Celui qu'on a étudié la semaine dernière et la semaine passée. Tfadda. C'est la sincérité dans l'adoration et le Tawhid. Ahsan. Et démontrer son contraire. Ahsant, barakallahu fik, très important. Ahsantum, jazakumullahu khair. Donc la sincérité dans l'adoration. Donc, at-tawhid, al-ikhlas, fi ibadatillahi wahda, et d'expliquer, de démontrer son contraire, al-shirk. Qu'est-ce que at-tawhid ? Tfadal. Ifradullah bil-ibada. Ahsant, ifradullah bil-ibada en français. Tfadal. Dans sa divinité. Yani, unifier Allah par l'adoration. Unifier Allah par l'adoration. Ifradullah bil-ibada. Qu'est-ce que shirk ? Là, les définitions elles sont un peu plus longues. Et on avait aussi cité la différence entre le polythéisme mineur et le polythéisme majeur. Premièrement, qu'est-ce que shirk ? Comment on peut définir le shirk ? Comment on l'a défini ? Tout ce qui contredit le tawhid de manière absolue. Ahsant, ahsant. On a dit une chose, donc c'est tout ce que le frère a dit, tout ce qui contredit le tawhid de manière absolue. Ça c'est le shirk, l'asrar ou l'akbar ou lequel ? La grande association ou la petite association ? L'association mineure ou majeure ? Omar. Ahsant, ça c'est la définition de l'association majeure. Donc comme a dit le frère, tout ce qui contredit le tawhid de manière absolue. On a dit, plus en détail, toute chose à propos de laquelle est chère le législateur. Qui est le législateur ? Tfadda. Allah et son prophète. Ahsant. Allah, tabaraka wa ta'ala, et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toute chose à propos de laquelle le législateur toute chose que le législateur a appelé shirk, polythéisme, et qui contredit At-tawhid de manière absolue. Maintenant, qu'est-ce que le polythéisme mineur ? C'est tout ce que le législateur a appelé shirk, mais qui ne contredit pas le tawhid de manière absolue. Ahsant, ahsant. C'est deux définitions qui sont proches. On a dit donc celui qui commet du shirk akbar, de grand polythéisme, celui-là aura contredit la base de tawhid. Il aura contredit le tawhid de manière absolue. A l'inverse de celui qui aura commis du polythéisme mineur, il aura commis un acte que Allah ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé shirk, a appelé polythéisme, mais cette chose ne contredit pas le tawhid de manière absolue. C'est-à-dire qu'elle n'annule pas son tawhid, on n'appellera pas cette personne-là quelqu'un qui sera sorti de tawhid, qui aura délaissé tawhid de manière absolue. Comme par exemple, jurer sur par autre qu'Allah. Ahsant. Al-halifu bighayrillah. Jurer par autre que Allah, tabaraka wa ta'ala. On a expliqué aussi qu'il y avait un détail par rapport à cela, mais ce n'est pas le moment d'y venir. L'ostentation. Ahsant. Les savants, ils disent yassir ar-riya. Un peu d'ostentation. C'est-à-dire que cette personne aura œuvré, aura fait une œuvre pour Allah, tabaraka wa ta'ala, aura prié pour Allah par exemple, mais il l'aura fait cette œuvre, cette prière aussi, pour se faire voir des gens. Ça fait partie, c'est ce que les ulama, ils ont défini comme étant, où ils ont rentré cette chose-là dans shirk al-asrar. Et faites attention, ils disent yassir al-riya. Le peu d'ostentation. Et ce détail-là, on y viendra plus tard. Incha'Allah ta'ala. Tfadal. Est-ce qu'il y a les allumettes aussi? J'ai pas entendu. Les allumettes, par exemple. Les amulettes? Oui. Ahsante. Oui. Tamaim, par exemple. Il y a aussi un détail dans cela. Si on pense que c'est la cause, c'est ça, non? Ahsante. Ouais. Une amulette, si on pense que c'est la personne qui aura accroché une amulette, pense que cette chose est une cause par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala repousse l'œil, par exemple, comme ils le font très souvent, là, ce sera du shirk dans l'asbab, comme ils disent les ulama, donc de l'association dans les causes, puisque Allah et son prophète n'ont pas légiféré cette chose comme étant une cause. Certains parmi les ulama l'appellent l'association dans les causes, et c'est de l'association mineure. Mais à partir du moment où la personne aura cru, aura eu comme conviction que, dans cette, que cette amulette repousse par elle-même l'œil ou le mal, à partir de là, ce sera du polythéisme majeur. Une autre question donc entre la différence, sur la différence pardon, qu'il y a entre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. On a cité trois différences, ou trois choses qui caractérisent l'un et l'autre. Quelles sont-elles? Même une chacun. Chacun cite une de ses causes. Tfadal. Par rapport au polythéisme majeur. Que le polythéisme mineur ne fait pas sortir la personne de l'islam. Ensuite, Alors que le polythéisme majeur l'a fait sortir. Ahsante. Donc le polythéisme majeur fait sortir la personne qui l'a commis de l'islam. Alors que le polythéisme mineur, celui qui commet cet acte-là, il ne sort pas de l'islam. La deuxième, Omar. Ahsante, ahsante. Le polythéisme majeur annule l'ensemble des actions de la personne qui la commet. Cette personne, il y a divergence auprès des savants si cette personne fait taouba, donc se repent sincèrement, est-ce que ses actions seront comptées après cela, c'est-à-dire les actions qui sont passées sous côté. Mais ici on parle de la personne, comme je l'ai dit la semaine dernière, la personne qui est morte sans s'être repenti de cette association. Donc cette personne qui a commis de l'association majeure, l'ensemble de ses actions, de ses bonnes actions passées, elles sont annulées. Elles ne lui sont pas comptées. A l'inverse de celui qui aura commis shirk al-asrar, le polythéisme mineur, cette personne-là, ses actions lui seront comptées, sauf cette action dans laquelle est rentré ce polythéisme mineur, comme par exemple, comme on l'a évoqué, la personne qui fait de l'ostentation, qui fait une prière pour Allah et pour se faire voir des gens. Cette prière-là, elle ne lui sera pas, elle lui sera annulée. Et la troisième, Tfadal. Si la personne fait le shirk al-akbar, elle sera éternellement en enfer. Ahsante. Ça, c'est très important. C'est la première des choses qu'on avait évoquées. Celui qui commet, et encore une fois, je le répète, cette personne qui est mort sur cela sans s'être repenti. Car le repentir efface ce qui précède. Et taubatu tajubbu ma qablaha. Là, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le repentir annule ou efface ce qui précède, ce qui la précède, ou ce qui lui précède. Donc on a dit que celui qui commet du grand polythéisme, du polythéisme majeur, celui-là sera éternellement en enfer. Wal'iyadu billah. À l'inverse de celui qui commet du polythéisme mineur, celui-là ne sera pas éternellement en enfer. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres détails à apporter à cela, mais ce n'est pas le moment de les aborder. Comme vous l'avez vu, quand on a expliqué le Qawaid al-Arba' al-Usul al-Thalatha, on a parlé du shirk. Petit à petit, on a rajouté des points, comme par exemple ces différences entre le polythéisme mineur et le polythéisme majeur qu'on n'a pas vu précédemment. Et dans les cours prochains, Inch'Allah, on rapportera encore plus de détails. Ceci pour s'élever, c'est-à-dire pour avancer graduellement dans l'apprentissage de la science. Donc on a dit que, dans le premier cours, j'ai dit que l'ensemble de ces fondements, parmi les six fondements que l'on va étudier dans le livre, sont une réfutation à certains parmi les gens de l'innovation. On a dit que le premier fondement qu'on a étudié la semaine passée et la semaine d'avant, c'était une réfutation à qui ? Tfadal. As-soufiya et, de manière plus générale, tous ceux qui commettent l'association, qui tombent dans le shirk, de manière générale. Tfadal. Hein? Le mouchrik, voilà, tous ceux qui commettent l'association de manière générale, et en particulier As-Soufiya. Et si vous vous rappelez la semaine dernière, après la prière, la deuxième partie du cours qui mettait, ou j'ai essayé de mettre en évidence, le polythéisme de As-Soufiya. Je vous poserai quelques questions par rapport à cela. Le deuxième fondement qu'on va aborder aujourd'hui, le fait de se réunir, en religion et de ne pas se diviser, est une réfutation à qui? Aux sectes égarées, mais qui en particulier? Ou plus précisément, on va dire. De manière générale, mais plus précisément, hein? Al-Ikhwan. Al-Ikhwan, Al-Muflisoun. Al-Ikhwan, Al-Muslimoun. Et tous ceux qui suivent cette voie d'appeler à constituer des sectes et des partis politiques et à diviser la religion en sectes et en plusieurs partis. Et ceci est une des bases de l'appel de la da'wah des Ikhwan. Et donc tous ceux qui les ont suivis dans cela. Et comme on le verra, ceci aussi est une base chez l'ensemble des sectes égarées, comme la cité Mahdi, Jazallah Khair. Mais ici, plus précisément, l'Ikhwan et ceux qui ont suivi leur voie. On a dit que la croyance, que l'appel, da'wah, l'appel authentique est basé sur deux choses. L'appel des prophètes et messagers, l'appel authentique à l'islam est basé sur deux choses, sur deux piliers. Faddal. D'adorer Allah seul et de renier toute autre divinité. Ahsant. Mais c'est pas de cette manière que je voudrais que vous l'exprimiez. Mais Ahsant, c'est ça la base. Mais qu'est-ce qu'on peut sortir de cela? On a dit que l'ensemble des prophètes et messagers ont été envoyés à leur peuple pour deux choses. Pour le tawhid al-uluhiyya. Sahih. Ah, Omar. Comme il l'a dit. Ah, deux fondements sur lesquels on se doit de baser notre appel. Si on base notre appel sur l'un de ces deux fondements, cet appel n'est pas basé sur la voie de nos pieux prédécesseurs. Fadal. Le Coran et la Sunna. Ahsant, mais c'est pas ça que je veux ici. Bien sûr, quand on dit sur deux fondements, on base cette da'wah sur deux fondements, ou par exemple les piliers de la foi, comme ceci, en fonction de ce qu'on aura étudié ici, je vous demande une chose précise. Fadal, Biram. Parmi elles, la corrigée des croyances. Ahsant. Ahsant aussi. At-tasfiya wa tarbiya. Ce qui est voulu ici, comme je l'ai évoqué, mais c'est vrai que je ne vous ai pas dit deux piliers de cette manière-là. Ad-da'watu as-sahihatu, l'appel authentique doit être basé sur l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala et islah al-aqa'id, et corriger les croyances. C'est-à-dire, on n'appelle pas seulement au bien. On n'appelle pas seulement à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala sans mettre en garde contre le faux. Et l'ensemble des prophètes et messagers suivaient cette voie. Et c'est la voie qui nous incombe de suivre. Une personne qui dit « moi j'appelle au bien, mais je ne mets pas en garde ». Ça c'est un appel qui n'est pas l'appel de nos pieux prédécesseurs. Ce n'est pas sur cela qu'était notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes qui lui ont précédé. Plutôt il est impératif pour que ta da'wah, pour que ton appel à Allah tabaraka wa ta'ala soit construit sur une base solide, de suivre ce manhaj, la voie des prophètes et messagers et de ceux qui les ont suivis dans le bien, mettre en garde d'appeler au bien, d'appeler à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla seul et son associé, et de mettre en garde contre shirk, de mettre en garde contre le mal, et de réfuter les gens de l'innovation, comme nous le voyons ici, comme vous l'avez vu dans le premier fondement. Cheikh al-Islam ici, rahimahullah, appelle à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et sans associé, et ce qui vient contredire al-Tawhid. Tu ne peux pas appeler simplement à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et délaisser, ne pas parler sur ceux qui commettent du shirk, sur ceux qui commettent du polythéisme. On va terminer avec ça. J'avais défini dans la deuxième partie, pour ceux qui avaient assisté, al-Wali. On a dit qu'El-Wali, c'était, selon une traduction approximative, le bien-aimé d'Allah, l'allié d'Allah, selon certaines traductions. El-Wali. son pluriel, Awliya. Qu'est-ce que le wali chez les gens de la Sunna? Qu'est-ce que le wali chez As-Soufiya? Tfaddal, chez les gens de la Sunna. Ahsant, toute personne pieuse qui craint Allah. On a dit Omar, c'est presque ça, Zakallah khair. Hein? Tout croyant pieux. Kullu mu'minin taqi. Et ceci d'après quelle preuve? Hein? Dans un verset. Dans quel verset? Tfaddal. C'est trop dans la sourate Younes si je me. Ahsant, sourate Younes, quel verset, hein? Inna awliya Allah. Ah, تفضل يا شيخ. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ces deux choses, jazakallah khair cheikh, barakallah fik. Ces deux choses là sont les deux piliers de al-walaya. Al-walaya, c'est-à-dire donc cette place d'allié de bien-aimé d'Allah azza wa jall. Al-walaya. C'est à deux piliers, ces deux piliers sont al-iman, la foi, wa at-taqwa, la crainte ou la piété. D'après ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset de Sourate Younes, il a été très, très clair. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Chez Soufia, vous vous rappelez ce qu'il dit Soufia? On avait cité la parole de Mohamed Abou Idriss et autres parmi les têtes de Soufia, Abou Yazid al-Bistami et autres parmi les têtes de Soufia. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de ça? Chez eux, il y a 3 degrés. Ahsant, 3 degrés chez Soufia. Vous vous rappelez de ces 3 degrés? Un par un. Tfaddal. Le premier, c'est le Qutb, c'est ça? Ça, c'est le plus haut degré. El Qutbaniya, ce qu'ils appellent Qutbaniya. Après, il y a le degré intermédiaire. Biram, tu te rappelles? Tfaddal. Je me rappelle du premier, celui qui marche sur l'eau. Voilà, ça, c'est le plus bas degré. C'est de marcher sur l'eau et de voler dans les airs. Et que Allah Azza wa Jal te dévoile des parties de l'invisible. Ça, c'est le plus bas degré chez As-Soufiya concernant Al-Wali. À partir du moment où une personne marche sur l'eau, vole dans les airs et que Allah Azza wa Jal lui dévoile quelques parties de l'invisible, celui-là, c'est un Wali. Avant cela, on ne l'appelle pas Wali. Alors que Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Chaque croyant pieux ou craintif d'Allah Azza wa Jal. Et eux, ils donnent ce degré-là qui est le degré le plus bas. Puis le degré le plus haut, al-qutbaniya, que tu sois un qutb, et on va y venir rapidement pour réviser, et le degré intermédiaire. Tfaddal, Abdallah. Hein? Tous ils sont considérés comme arif billah. Tout wali, il le considère, il le dit, ça c'est un arif billah. C'est un connaisseur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et comme on avait dit, vous vous rappelez quand on avait parlé d'Ibn Arabi, Sahib al-Futuhat al-Makkiya et autres que cela parmi les livres de l'égarement, on avait dit, est-ce que cette personne-là c'est vraiment Arif Billah, celui qui dit le Seigneur est un serviteur et le serviteur est Seigneur? Ça, c'est ça Arif Billah pour vous? Quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre le serviteur et le Seigneur? Allahu Akbar. Mais le degré intermédiaire, hein, Biram, Ahsant, il lui donne une part dans la création. Allah tabaraka wa ta'ala lui donne une part dans la création au point que cette personne-là, ça c'est le wali intermédiaire. C'est pas le qutb, le plus haut degré de l'walaya chez As-Soufiya. Le degré intermédiaire, c'est celui à qui Allah azza wa jal lui donne une part dans la création. Il sait ce qu'il se passe dans la création et lui a donné le fait de dire soit et une chose est. Kun fayakun. Ça c'est le degré intermédiaire simplement du wali. Il peut créer comme Allah azza wa jal crée. Et donc le qutb, Al-Qutbaniya, le plus haut degré. Qu'est-ce que le Qutb? Vous vous rappelez? En résumé, le Qutb. Parce que ça, c'est une parole qu'on va entendre beaucoup. Le Qutb. Tfaddal, Abdallah. C'est-à-dire que les takalifs, ça aussi, pareil, le Qutb, avant même le Qutb, ils ont pas. Les takalifs, ils sont enlevés de lui. Le fait qu'ils disent que c'est Allah. Non, ça, certains, ils ont dit. Ah, tfaddal, Omar. Ahsant. Ça fait partie de ces choses. Le Qutb, pour résumer, comme on a dit, le Qutb, donc, qui est le plus haut degré de Al-Walaya. Comme on l'a dit, le degré intermédiaire, c'est qu'une personne puisse dire soit et la chose est, la création. Le Qutb, il est plus haut que cela chez Soufia, ça c'est le plus haut degré de l'Wali. C'est celui que Allah Azza wa Jal lui a montré, lui a donné les clés de l'invisible. Et lui permet de se déplacer dans la création comme il veut. Et à chaque à chaque période ou à chaque, comment dire, chaque siècle ou chaque période, il y a un qutb désigné. Et le qutb, lorsque les gens, donc cette personne-là, il peut, bien sûr, à plus forte raison, dire une chose, soit et elle est. Cette personne-là, elle connaît les, il a les clés de l'invisible. Cette personne-là, il peut se déplacer dans la création, savoir ce qui se passe à tout moment. Ça, c'est ça, le qutb. Une personne à chaque époque chez Soufiya. Et c'est le plus grand de l'Aulia. Cette personne-là, lorsque les gens, puisque ça fait partie aussi des choses qui lui sont propres, selon Soufiya, lorsque les gens reviennent vers lui et lui demandent de leur porter secours. Ça, c'est quelque chose qui est connu chez Soufiya. Quelqu'un en Amérique qui demande à Al-Qutb, le grand cheikh de la tariqa, le grand Qutb de cette époque, aide-moi, donne-moi des biens, accorde-moi. Ça, c'est quelque chose qui est connu chez eux. Ça, à ce moment-là, on l'appelle comme Al-Qutb. On a dit qu'il avait un autre nom à ce moment-là. Lorsque le soufi revient vers lui, il lui demande de l'aide. On l'a appelé Fadal. C'en est, dans tous les cas, mais ce n'est pas cette appellation qu'il lui donne. Ils lui disent Raouth. Vous vous rappelez, on a dit Al-Qutb. Ou Al-Raouth, ça c'est des choses, vous allez l'entendre très souvent. Et comme je vous l'ai dit donc, la semaine dernière, dans une parole de Ali Jumu'a, l'ancien moufti d'Égypte, qui est quelqu'un qui est noyé dans le soufisme. Et c'est quelqu'un qui est une figure auprès de, pour beaucoup de musulmans, qui est une figure religieuse auprès de beaucoup de musulmans, parce que c'était le moufti d'Égypte, qui est noyé dans Soufia, qui parlait justement dans cette parole que j'avais rapportée la semaine dernière de... Justement, le fait que Al-Qutb, il existe, etc., etc., etc. Et il parlait de l'Raouth aussi. Et il parle aussi de l'Abdel. On a dit l'Abdel, qui sont au nombre de quatre. À chaque époque, il y a quatre Abdel, qui sont aussi des Awliya d'Allah, Azzawajal. De même que Al-Nujaba ou Al-Nuqaba, chacun leur donne 40 Nujaba, 40 Nuqaba. Allah, alam combien il leur donne. Mais chaque période, chaque époque, elle a un nombre défini. Et l'Abdel, juste pour terminer sur cela, l'Abdel, pour ne pas vous faire... Comment dire, pour pas comment dire, tomber dans des ambiguïtés par rapport à cela, Soufiya, ceux qui sont noyés dans le soufisme et qui cachent cela, ils disent, mais l'Abdel, c'est quelque chose qui existe. On voit la parole d'Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui parle de l'Abdel et autres parmi les ulama, parmi les salafs et ceux qui sont venus après eux. L'Abdel. Mais on a dit que l'Abdel que Soufiya veulent, ce sont des gens qui sont des soi-disant Aulia, donc ils ont ce degré. Bien sûr, le plus bas degré chez l'Aulia, c'est de marcher sur l'eau et de voler dans les airs. Alors que dans ce qui est venu dans les paroles de Salaf concernant l'Abdel, ce sont des gens pieux. Al-Mu'min al-Taqi, comme il est venu dans l'Aqidah al-Wasitiyya, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il parle de l'Abdel. Et l'Abdel, lui dans, que l'on trouve dans ses paroles comme dans Majmu' al-Fatawa et autres, où il a réfuté cette appellation chez Soufia de l'Qutb ou al-Raouth ou al-Abdel. Sans aucun doute, l'Abdel ici, ce n'est pas ce que veulent Soufia, mais plutôt c'est l'ulama, les savants et les gens pieux de cette communauté. Ne vous faites pas berner par cela. Regardez, l'Abdel, il y a dans la parole de Salaf, l'Abdel, même l'ulama, Cheikh l'Islam Taymiyyah, regardez dans le Wasti, elle dit l'Abdel. Il n'y a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu changes une appellation que ça change la réalité d'une chose. Comme le fait d'appeler l'alcool des boissons spirituelles, des spiritueux. Ça ne change pas l'appellation. C'est quelque chose de spirituel, de l'alcool. Ça reste de l'alcool. Les appellations, le fait de changer une appellation ne change pas la réalité d'une chose.